Bonjour tout le monde. Et l'examen approche et c'est le moment de se préparer. Hi everybody. The exam is coming and it's time to really get ready and review this chapter. So listen to the questions carefully. I am going to ask you lots of questions. You should be able to answer them all if you learned all the material. Okay, are you ready? Quelle heure est-il? Il est 1h37 du matin. À quelle heure êtes-vous dans la classe de français? Je suis dans la classe de français à 7h30 du matin. C'est triste, c'est la vie. Quand travaillez-vous? Le matin, l'après-midi ou le soir? Je travaille le matin et quelquefois le soir. Quel jour travaillez-vous? Je travaille le lundi, le mardi, le jeudi et le samedi. Quel est votre emploi du temps? What's your schedule? D'abord, j'arrive à la fac à 7h du matin. Ensuite, je suis en cours de français à 7h30. Puis, je suis en cours de français 3 à 9h15 du matin. Ensuite, je suis en cours de français 1 à midi moins le quart. Puis, je suis à mon bureau. Enfin, je suis à la maison à 5h du soir. La journée est longue, mais c'est la vie. The day is long, but that's just the way the cookie crumbles. We also learned days of the week in this chapter, so let's see if you can answer some good questions about that. Quel jour est-ce aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est dimanche. Quel jour préférez-vous? Je préfère le vendredi et le samedi. Je déteste le dimanche, spécialement le dimanche soir. En quel jour est-ce que vous êtes en classe? Je suis en classe le lundi, le mercredi et le vendredi. En quel mois êtes-vous né? Je suis né en janvier. Et vous? Quel mois préférez-vous? Je préfère décembre. Pourquoi? Parce que Noël, Christmas, arrive. Quelle saison préférez-vous? Je préfère l'été. Pourquoi? Parce que je suis en vacances en été. Because I am on vacation in summer. Quelle saison adorez-vous? J'adore le printemps, l'été et l'automne. Pourquoi? Il fait beau au printemps, en été et en automne. Quelle saison détestez-vous? Je déteste l'hiver. Pourquoi? Il fait froid en hiver. Quel jour travaillez-vous? Now, listen carefully to this one. Je travaille du lundi au vendredi. De quelle heure à quelle heure? De 7h30 du matin à 3h de l'après-midi. Let me recap that for the prepositions because it's a little tricky. Je travaille du lundi au vendredi, D-U-A-U, de 7h15 à 3h, D-E-A-U. et with an accent grave. So be careful, these prepositions are tricky. En général, que faites-vous? Je fais beaucoup de choses. I do lots of things. À la maison, qui fait les courses? Ma mère fait les courses. Est-ce que tu fais bien la cuisine? Oui, je fais très bien la cuisine. En général, à la maison, nous faisons aussi le ménage, les provisions. Le week-end, nous faisons la sieste et nous restons à la maison. Dans la classe, que fais-tu? Oh, dans la classe, je fais attention. Pourquoi? Parce que le professeur est cruel. Est-ce que tu fais tes devoirs? Je fais toujours mes devoirs. Et en vacances et on vacation, que fais-tu? What do you do? Je fais la fête, je fais du ski et je fais souvent un voyage. Now, remember, in this chapter, we also learned how to express, how to ask questions such as où habitez-vous? J'habite à Los Angeles. Quand écoutez-vous la radio? J'écoute la radio le soir. Comment allez-vous? Je vais très bien. Pourquoi préférez-vous votre café chaud? Parce que je déteste le café froid. We learned how to ask questions. We also learned how to stress how we feel about things, such as toi, tu es fatigué aujourd'hui? Oh oui, moi, je suis très fatigué. Et à votre avis, le professeur, lui, il est fatigué ou il est énergique? Le professeur, lui, il est énergique. Remember, we also use these pronouns with preposition. Où se trouve le professeur? Le professeur est devant moi. Et ta partenaire? Où se trouve ta partenaire? Where is your partner? Ma partenaire est à côté de moi. Dans la vie, qu'est-ce que tu voudrais faire? In life, what would you like to do? Be careful, I'm switching verbs there. Je voudrais être professeur. I would like to be a teacher. And then finally, in this chapter, we learned the verb être, the verb mettre. So I have to conclude this podcast by asking you, qu'est-ce que tu mets pour venir en classe? What do you wear to come to class? Moi, je mets des vêtements confortables. And one very indiscreet question. Est-ce que tu mets la télévision quand tu étudies? Non, madame. Je ne mets jamais la télévision quand j'étudie. And on that true confession, I will let you off the hook. I will see you tomorrow. Étudiez bien et bonne chance à l'examen. À demain.